chier. C'est moi Johnny Marmouset, bourgeois et femme enceinte. Je lui donne un coup de poing dans le ventre, rebelle. C'est moi le petit singe rebelle, je suis un tout petit bébé singe rebelle. Des quoi je fouille dans les poubelles, j'arrête les veilles avec mon cœur fidèle. Rebelle, je suis un rebelle, faut pas faire chier. C'est moi Johnny Marmouset, rebelle, je suis un rebelle. Et je m'habille comme un Romain Michel. De rebelle que moi tu meurs, oui c'est vrai, je suis un rocker. Plus fort que Johnny, Clem et Madame Soleil. Chantons tous en cœur, wow. Chantons tous en cœur, yeah. Rebelle, je suis un rebelle, faut pas faire chier. C'est moi Johnny Marmouset. Rebelle, je suis un rebelle, je m'habille comme un Romain Michel. Kiki rebelle, tu es un rebelle. Kiki rebelle, tu es un rebelle. Kiki rebelle, tu es un rebelle. Kiki rebelle, tu es un rebelle. Kiki rebelle, tu es un rebelle. Kiki rebelle, tu es un rebelle. C'est vrai, je suis un rebelle sans peur. C'est parce que j'ai grandi au milieu des kiki. On m'a rien donné, c'est la rue qui m'a tout appris, yeah. Quand je vois une femme enceinte, je lui donne un coup de poing dans le ventre. Rebelle, c'est moi le petit singe rebelle. Je suis un tout petit bébé singe rebelle. Des fois je fouille dans les poubelles, j'agresse les verres avec mon enfilet.